Dossier 2. Livre, page 30. Question A. 1. Christine, cet après-midi, je vais chez ma copine Jacqueline. Tu viens avec moi? Oui, avec plaisir. 2. Camille, tu me prêtes ta calculatrice? Oui, mais tu me la rends avant 5 heures. J'ai un cours de mathématiques. D'accord. 3. Tu veux combien de glaces fondes dans ton verre? 4. 4. En quel mois tu es née? En octobre. 5. Où est ton ticket? Le voilà!